Nous n'avons pas le choix. La relation est abîmée, le lien est distendu. Nos mains s'éloignent et l'espoir de faire communauté ne nous habite plus. Monsieur le Président, vous nous avez demandé de penser cette relation en 2030, d'imaginer notre futur souhaitable. L'exercice n'est pas simple parce qu'il s'agit de construire librement une vision et de mettre en place une feuille de route pour qu'elle devienne réalité. 2030 est loin, mais ça commence aujourd'hui. Nous ne devons pas, vous ne pouvez pas, attendre encore 10 ans pour agir. Afrique Média, le monde, c'est nous.